Wesh Hugo, wesh Hugo, c'est Zou. Wesh Hugo, wesh Hugo. Je rappe pour le charclos et je t'emmerde. Wesh Hugo, wesh Hugo, c'est Zou. Check, check. 24 balais, je dors. Déjà avec le calibre, sac de balle, c'est mort. Ou vive donc faites vos paris. Jette l'éponge que si la vaisselle est finie et que ça brille. Donc je me lance à 91 contraintes dans un ring. Appelle-moi à des mots, ceux qui m'aiment m'appellent Tariq. Je vais faire deux choses, puis graver puis rapper ma vie. Je suis dans le noir mais je relativise ma plumette. Je me dis de l'obscurité, je verrai peut-être mieux la lumière. Wesh la wish, tu parles comme à ça y était un show. T'as rien compris, au lieu de baiser, t'iras taper une fellation. Perdre son temps ne mène à rien. Mais bon, faudra bien te baiser vu que tu fais le malin. Wesh ma gueule, je fais du sale pour pas être dans le potrage. Je tire une balle si tu joues des épaules et tu montes des gros bras. Tu cherches des histoires, va lire des livres. Si t'as plus de souvenirs, on va faire en sorte ta vie. Des filières, des thunes à faire, des affaires à prendre, des billets à compter. Tu pues la merde, va pas nous faire attendre ou te la raconter. Si tu cherches, sois concret. Mais dans la danse, ne panique pas et n'oublie pas que le silence est un ami qui ne trahit pas. La vie n'a pas de valeur à côté de sa fierté. Je mets la balle au centre tes deux yeux pour montrer que je suis fair play. C'est ma cap, c'est ma vibe, c'est ta bike. Gros, viens de balade dans ma life, avale le bail. C'est qu'un conseil d'ennemis.